السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. دونك شيخ خان الله عز وجل كونتيني سيت سيغي دو كور كي ليكسبليكاسيون القول الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Explication de cette risala par Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, parmi les Cheikhs salafis de Médine contemporains, hafidahullah ta'ala. Et pour une biographie de Cheikh l'Islam et une biographie de Cheikh al-Bukhari, revenez aux premiers cours qu'on a fait qui sont disponibles sur notre site spfbirmingham.com en audio et en PDF. Donc on est arrivé القاعدة الثانية parmi les قواعد الأربع، et on est arrivé à l'ouage الثاني، c'est-à-dire la deuxième angle ou le deuxième angle sous lequel Cheikh عبد البخاري حفظه الله تعالى il expliquait cette deuxième règle القاعدة الثانية من القواعد الأربع. فيقول الشيخ البخاري حفظه الله تعالى الوجه الثاني أن الله جل وعلا ذكر هذا الذي قالوه في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر الله جل وعلا هذا الذي قالوه وأشركوا به أي مع الله. قال فدليل القربة، قبل أن نتكلم عن الدليل يقول الشيخ البخاري حفظه الله القربة القاف والراء والباء أصل صحيح يدل على خلاف البعد، ذلك بعيد وهذا قريب، يقال قرب ويقرب قربا، وفلان ذو قرابتي تقول فلان ذو قرابتي وهو لمن يقرب منك رحيما. والقربة هي القرابة، والقراب مقاربة الأمر، والقربان ما قرب إلى الله من نسيكة ونحوها. Donc ici, Cheikh, il fait un point dans la linguistique, dans le deuxième angle d'explication de la deuxième règle citée parmi les quatre règles que Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala a cité dans son épître. Et il dit, hafidahullah ta'ala, Allah le Très-Haut a cité ce qu'ils ont dit dans sa parole, dont la traduction du sens est « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Surat Zumar, verset 3. Allah le Très-Haut a cité ce qu'ils ont dit et ce qu'ils lui ont associé, c'est-à-dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur dit, et la preuve du rapprochement. Et puis Cheikh dit, et avant que nous parlions de la preuve, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire al-qurba. Parce qu'il parle al-qurba, il lui dit, wa dalil al-qurba. Il fait un point dans la linguistique ici, il dit al-qurba, les trois lettres, al-qaf, wal-ra, wal-ba, sont une base authentique qui indique le contraire de l'éloignement. D'accord ? Celui-là est lointain et celui-ci est proche, qarib, proche. Il est dit qaruba yaqrubu qurban wa fulan du qarabati, et c'est pour cela celui qui est proche de toi, fulan un tel du qarabati, c'est-à-dire que c'est un proche de moi par rapport au lien de parenté que tu peux avoir avec lui. Donc le shir dit, et c'est pour celui qui est proche de toi en termes de lien de parenté. Et al qurba c'est al qiraba, et al qirab c'est muqarabatul amr, et al qurban c'est ce qui est sacrifié pour Allah comme offrande et autres. D'ailleurs ça doit vous rappelez un verset du Coran, hein? Quel verset qui rapporte quoi? Naam. Dis-le un peu plus haut, peut-être qu'il t'entend. Hein? C'est qui? Habil et oh, c'est-à-dire les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y en a un qui a tué son frère? Ils ont tous donné une offrande, mais l'une qui a été acceptée, l'autre. Et c'est quoi le mot offrande qui est utilisé dans le verset? Donc ici, donc c'est un mot peut-être que vous connaissez déjà. Alhamdulillah, si vous avez déjà lu, vous connaissez ce verset. Et donc il dit, Al-Qurban, c'est ce qui est sacrifié pour Allah comme offrande et autres. Et puis Cheikh, il dit, hafidahullah ta'ala, dakara Cheikh rahimahullah huna, et Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, huna dalilun lil-qurbati ayat al-zumar. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية قبلها أن الله جل وعلا قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقولهم ما نعبدهم حصر وقصر، ما نعبدهم حصروا إلا ليقربونا، أي لم نعبدهم لعلة من العلل إلا من أجل التقريب فقط. إذ يقربون إلى الله زلفى، إذن حصروا وقصروا ما أرادوا بدعوتهم أنهم أرادوا القرب وأنهم أرادوا بذلك ما عند الله لا من عند ما عند المدعوين انتبه للشيخ اللي دي بخطة تنصون السلاة أرادوا بهذا ما عند الله ليقربون إلى من؟ إلى الله فهم لا يطلبون المدعوين وإنما يطلبون الله ولكنهم جعلوهم وسائط فحصروا طلبهم في القربة من الله عز وجل بطريق هؤلاء في الشيخ va rapporter une parole de l'imam Ibn Kathir رحمه الله تعالى dans son tafsir par rapport à ce verset. On traduit déjà ce passage, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il convient comme adab de ne pas dire Mohamed bin Al-Wahhab, hein, comme cheikh Mohamed bin Hadi l'a dit, quand un étudiant il a dit non, on dit cheikh l'islam. Cheikh l'islam, Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Il faut avoir un ta'adab, envers les ulama de la sunna, les ulama de la communauté. Donc le cheikh l'islam, Mohamed bin Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a cité ici comme preuve pour le rapprochement, le verset de surat Az-Zumar, dont la traduction du sens est « Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » D'accord ? Ça c'est important, on parle de tawhid ici, d'accord ? On parle de l'aqidah et on parle des shubuhat que certains peuvent ramener au niveau de l'aqidah, donc il est important qu'un salafi maîtrise ce genre de notion-là. Et ça c'était le verset de surat Az-Zumar, verset 3. Et Cheikh dit justement par rapport à ce verset, il dit « Le verset précédent » Et qu'Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et donc leur parole, nous ne les adorons, est une restriction. Nous ne les adorons, ils ont restreint, ils ont fait ce qu'on appelle en arabe un hasr, une restriction. Nous ne les adorons, ils ont restreint en disant que pour illa. D'accord? Illa, pourquoi? Illa liqarribuna ilallah zulfa. Donc eux, ils ont dit, nous ne les adorons, et ils ont fait un hasr que pour. Que pour qu'ils nous rapprochent davantage. C'est-à-dire, nous ne les adorons que pour l'unique raison, qui est le rapprochement, rien d'autre. Car ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et on sait bien que c'est batil ça, comme on va le voir plus tard dans la parole de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh il dit, donc ils ont restreint ce qu'ils veulent par leur prétention qui est qu'ils veulent le rapprochement. Et que donc ils veulent par cela ce qui est auprès d'Allah et pas ceux qui sont invoqués. Vous voyez ici le... Hein? D'accord? Donc je répète cette phrase qu'elle a toute son importance. Donc ils ont restreint ce qu'ils veulent par leur prétention, qui est qu'ils veulent le rapprochement, le qurba. On a expliqué ce que veut dire le qurba, d'accord? Et que donc ils veulent par cela ce qui est auprès d'Allah, et pas ce qu'ont ceux qui sont invoqués, ou bien ceux qui sont invoqués ont, si vous voulez, d'accord? Et Cheikh il dit, intabih, il a dit, prête attention à cela. Ils ont voulu par cela ce qui est auprès d'Allah, pour qu'ils nous rapprochent de qui, ils ont dit? D'Allah. Mais donc ils ne demandent pas à ceux qui sont invoqués, mais ne demandent qu'à Allah. Mais ils les ont pris comme wasa'ita, c'est-à-dire intermédiaire, et ils ont restreint leur demande dans le rapprochement d'Allah par la voie de ceux-là. Maintenant la parole d'Ibn Kathir qui est très intéressante par rapport à ce verset, il dit, rahmatullah alayh, قال الإمام ابن كثير في التفسير قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد قال إلا يقربونا إلى الله زلفا أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم ماذا كانوا يقولون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هكذا كانوا يلبون قال رحمه الله أي السعدي رحمه الله وهذه الشبهة هي التي كم لك شيخ سعدي شبهة من أبيغويته داكور وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه قال وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها أي برد هذه الشبهة والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يقول رحمه الله السعدي رحمه الله وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليس كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأباه قال الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى الشيخ مصطفى مبرم الى دي دوز درس شرح المنظومه السيري لله كل بي كوريكت يدير السعدي ميم سي سختان يديز السعدي الامام ابن كثير دي دون اكزيجيز رحمه الله عليه قتاده يسدي مالك اون دي دابري زيد ابن اسلم ابن زيد كو بور كيل نو رابروش دافونتاج دالله كو pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى C'est-à-dire, afin qu'ils intercèdent pour nous et nous rapprochent de lui en termes de degré. Nous rapprochent d'Allah, c'est ça qu'ils veulent dire, en termes de degré. Et c'est pour cela qu'ils disaient dans leur talbiya, lorsqu'ils effectuaient le pèlerinage dans la période pré-islamique, et que disaient-ils? Ils disaient, « Me voici, ô Allah, le Bayk. » Tu n'as pas d'associé, me voici, ô oh Allah. Me voici, ô oh Allah, tu n'as pas d'associé si ce n'est un associé que tu as et que tu possèdes ainsi que ce qu'il possède. Tel était leur talbiya. D'accord? Maintenant, il y a une raison pour laquelle ils ont dit cela, etc. Revenez, ce qu'on nous dit, hein, et comme disent certains des chouurs dans leurs cours, et c'est ce que je vous dis toujours, nous on dit des fois, on cite des sources, on vous motive à aller voir des points, etc., pour susciter une curiosité en vous et que vous ayez vous-même aller chercher dans les livres et c'est comme ça que le talib ilm se construit parce que non seulement tu vas aller revoir ce qu'il a dit le shir au contexte de ce que tu as déjà vu donc tu vas staffer à ce niveau-là et tu vas passer par d'autres bénéfices d'autres fawaïd et tu vas connaître des livres etc d'accord et comme il dit Cheikh Mustafa Mabram il dit que hafidhahullah ta'ala que l'ilm il ne faut pas croire que tu vas tout comprendre tout de suite. Et si tu crois que tu comprends tout de suite, eh bien, on a peur pour toi que tu n'aies pas compris, justement. D'accord? Et comme ils ont dit certains imams de la communauté, que par rapport à l'ishkal, par rapport à la difficulté que tu peux avoir des fois dans certaines recherches dans la science, etc., ils disent « وَحَظِّ مِنْهُ الْإِشْكَالِ » Yani, hein, ma saveur, elle est justement dans cette difficulté-là. C'est même si elle a des fois, elle est difficile. Hein? Tu ne la comprends pas toujours, mais tu vas voir, et tu vas voir un charah, et tu vas voir un autre charah, et tu vas voir une source, et tu demandes, et tu poses des questions, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il il te fasse comprendre cette mes'ala, etc. Hein? Il faut avoir cet amour pour l'ilm, il faut avoir ce sabre pour l'ilm, il faut savoir transpirer pour l'ilm, se fatiguer pour l'ilm, rester éveillé la nuit pour l'ilm, chercher, lire, etc. Inna l'ilma la yunalu bi rahati al-jasad. الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى دزنس صحيح إلى غبرت ابن حي بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال لا ينال العلم براحة الجسد la science elle n'est pas obtenue avec le repos du corps d'accord الحمد لله les bénéfices ils arrivent Allah il t'ouvre des portes الحمد لله hein? Avec cet ijtihad au fur et à mesure des minutes des heures des jours des semaines des mois des années الحمد لله c'est une question de patience. Et c'est ça la voie que nos ulama, ils ont suivi, et que les tulab ilm aujourd'hui, ils suivent. D'accord? Et donc il faut se fatiguer un peu, etc. Revenez maintenant pour savoir, parce que c'est intéressant à savoir. Et Cheikh Al-Fawzan, si je me souviens bien, en a parlé dans Sharh Qurrat Uyun Al-Muwahhidin. Hafidhallah Cheikh Al-Fawzan. Donc, Cheikh Al-Bukhari continue dans sa citation de Sa'di, rahimahullah, il dit « Et cette ambiguïté est celle qu'ont adopté les associateurs dans l'ancien temps et aujourd'hui. » D'accord ? Et il dit « Et les messagers sont venus à eux, salawatullahi wa salam wa alayhim ajma'in, la réfutant, c'est-à-dire réfutant cette ambiguïté, et l'interdisant, et appelant à vouer l'adoration exclusive à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans lui donner d'associé. » Et que ceci est une chose inventée par les associateurs venant d'eux-mêmes, et qu'Allah ne l'aura pas autorisée, ni ne l'a agréée, mais au contraire l'a détestée, l'a interdite. Allah le Très-Haut, selon la traduction du sens est, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Surat Nahl, verset 36. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction du sens est, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat al-Anbiya, verset 25. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. As-Sa'di, rahimahullah, toujours, hein, comme Cheikh al-Bukhari, il appelle Cheikh ou Shuyukhina, Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, ta'ala, Abdurrahman ibn Nasr As-Sa'di, rahimahullah, qui écrit des livres magnifiques. D'ailleurs, ils ont regroupé ses épîtres et ses livres en une compilation qui fait 26 volumes. Qui était imprimé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est notamment parmi les chiurs de l'imam Al-Uthaymin. Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, et même il est considéré comme son cheikh principal et le cheikh de chez qui il a beaucoup pris et par qui il a été beaucoup influencé. Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah, qui a d'ailleurs écrit une exégèse du Coran que je vous conseille parce que c'est une exégèse par le ma'na, qui est très facile et que n'importe qui peut lire. C'est-à-dire qu'il te montre, il te dit le verset, tu dis voilà le sens. Il te dit le verset, voilà le sens. Il te facilite tout le travail pour toi. Donc, Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit, il a informé que les anges qui sont parmi les anges rapprochés. Et autres? Non. Sa'di, rahimahullah, on a cité Qatada et Suddi. D'accord, ça c'est parmi la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. Et après on a cité l'imam Sa'di. D'accord ? Mais regarde, tu verras. On va voir. Peut-être que tu as raison. On va voir. On va vérifier. Donc, on a dit Ibn Kathir. Ça, on a cité. D'accord ? C'est bon ? L'imam de Sa'di, c'est la parole d'après alors. Donc tu as raison, c'est Ibn Kathir, rahimahullah. On est toujours dans la parole d'Ibn Kathir. J'étais un peu trop vite. C'est l'imam de Sa'di, c'est après, rahimahullah. Parce que la parole d'Ibn Sa'di est très très intéressante. Mais en français, est-ce que j'ai terminé la parole d'Ibn Kathir ou pas? Non, en français, j'ai pas terminé. Donc, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est la parole d'Ibn Kathir qui a cité ce qu'il a cité, d'accord? On est arrivé où? On est arrivé au point où il dit, rahmahullah ta'ala, Ibn Kathir, rahmahullah ta'ala, jazakallahu khair pour ta correction, et il a informé que les anges qui sont parmi les anges rapprochés et autres sont tous soumis à Allah et n'intercèdent auprès de lui qu'avec sa permission. Donc, les anges rapprochés, hein, ils n'intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec sa permission pour ceux qui l'agréent. Et ils ne sont pas comme les princes auprès de leur roi intercédant auprès d'eux, sans leur autorisation, au sujet de ce que les rois aiment et de ce qu'ils détestent. Et il dit, alors le Très-Haut, c'est dans la traduction du sens est, n'attribuez donc pas à Allah des semblables. Sourate Nahl, verset 74. Et Allah est élevé au-dessus de cela d'une grande élévation. Et donc c'était bien la fin de la citation d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah. Et on va arriver petit à petit à la parole de Sa'di rahimahullah que je voudrais apporter parce qu'elle est vraiment très très intéressante et que Cheikh al-Bukhari a cité. Donc Cheikh il dit hafidhahullah, Cheikh al-Bukhari maintenant, ظن هؤلاء المشركون ان الوضع في طلب الشفاعه من الله عز وجل كما يفعل بين الملوك او ان الوزراء والامراء والنواب لهم حظوه فيطلب العبد منهم امرا يطلب شفاعه هذا الوزير وهذا الامير وهذا المسؤول عند الملك قد يحب هذا الامير وذلك المسؤول هذا الأمر قد لا يحبه فهم ظنوا أن هذا الظن ظنوا هذا الظن وهذا من أفسد الأقيسة كما قال العلامة السعدي رحمه الله يتشبه المخلوق بالخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc les associateurs ils ont pensé que la situation de demande d'intercession à Allah le Très-Haut est comme cela est fait entre les rois, et c'est que les ministres et les princes et les délégués ont une faveur, une grâce, et que donc leurs serviteurs leur demandent une chose. Il demande l'intercession de ce ministre et de ce prince et de ce responsable auprès du roi. Il se peut que ce prince et que ce responsable aiment cette chose et il se peut qu'il ne l'aime pas. Et donc, ils, les associateurs, ont pensé cela et cela fait partie des analogies les plus mauvaises, comme l'a dit le très savant As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Car ils ont fait ressembler la créature au créateur. Et Allah est élevé au-dessus de ce qu'ils disent, une grande élévation, subhanahu wa ta'ala. Donc avec ça on est arrivé au troisième point, toujours d'explication de quelle règle. la deuxième. الوجه الثالث قوله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في هذا بيان أن الله تعالى سيفصل حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين يوم الميعاد ويوم الميعاد ويجازي كل ويجازي كلا بما عمله. قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد للهداية من قصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. Troisième angle, sa parole dans la traduction du sens est. En vérité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate Zumar, verset 3. Il y a en cela une mise en évidence du fait qu'Allah le trio jugera entre les deux groupes. Le groupe des sincères et le groupe des associateurs le jour de la résurrection. Et il rétribuera chacun en fonction de ses actions. Allah le trio dit, c'est dans la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate Zumar, verset 3. C'est-à-dire qu'il ne guide pas vers la guidance celui dont l'intention est le mensonge et la calomnie envers Allah, le Très-Haut, et dont le cœur mécroit en ses versets et ses preuves et ses signes. Fin de citation d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et puis, Cheikh, il dit ici, وَنَسْتَفِيدُ أَيْضًا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ سَمَّهَا أُولَى كَذَبَهُ وَكَفَرَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ فسمهم كذب كفره فهل يدل على ان عبادتهم اياهم لطلب القربى والتقريب انها كفر ورده وان لم يقولوا انهم يخلقون ويرزقون ان لم يقولوا هذا فان كانوا يدعونهم يستغيثون بهم ويتوسلون بهم بقصد القربى وانهم يشفعون لهم عند الله هذا الامر قد سماه الله كفرا قال ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سماه الله عز وجل كفرا وأيضا سماهم بأنهم كذبة لأنهم كذبوا بقولهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا وكفروا بهذا العمل أي بدعوتهم إياهم كذبوا في قولهم وكفروا بعملهم. Cheikh dit, nous en tirons aussi comme bénéfice, comme Allah le trio, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela menteur et mécréant. Il a dit, c'est dans la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Sourate Zumar, verset 3. Et il les a donc appelés menteurs et mécréants. Et ceci indique qu'Adibun Kafar, et ceci indique donc que leur adoration envers eux, afin de leur demander le rapprochement, et de les rapprocher, est quoi? Une mécréance et une apostasie. Dans le verset même, tu as cette preuve-là. D'accord? Et ce même s'ils n'ont pas dit qu'ils créent et qu'ils pourvoient. Même s'ils n'ont pas dit cela, s'ils les invoquaient et imploraient leur secours, l'istighatha, on a déjà dit dans plusieurs cours que l'istighatha c'est talab al-ghawf, wa huwa izalatu shiddah. C'est une différence entre l'istighatha et l'isti'ana. Ça, c'est encore des notions qu'en tant que salafi, on doit essayer de maîtriser. L'isti'ana, c'est le fait de demander de l'aide, mais l'istighatha, c'est le fait d'implorer le secours dans une situation de détresse. S'ils les invoquaient et imploraient leur secours et les prenaient pour, donc l'isti'ana, pour les frères qui veulent noter, c'est talab al-awn. استغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. S'ils les invoquaient et imploraient leur secours et les prenaient pour intermédiaires avec l'intention d'être proches et qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah, eh bien cette affaire à Allah, comment il l'a appelé? Il l'a appelé mécréance en disant, selon la traduction du sens est, Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. كاذبون كفار. Sourate Zumar, verset 3. Allah le trouve, l'a appelé mécréance et il les a appelés aussi menteurs car ils ont menti par leurs paroles. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et ils ont mécru en raison de cette action, c'est-à-dire en les invoquant, et ils ont menti par leurs paroles et ont mécru par leur action. D'accord ? Donc continuons un peu le matin aujourd'hui. « وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » أي قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله من سورة يونس والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون من سورة البقرة والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من سورة البقرة. Le texte, c'est-à-dire la suite du texte de Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdouhab Rahimullah dans les quatre règles, il dit « Et la preuve de l'intercession est la parole d'Allah. » Dans la traduction du sens est « Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur, leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Sourate Younous, verset 18. Et l'intercession est de deux types. Ça, c'est un taqsim ici qu'on doit avoir aussi en tant que, si on veut être parmi les tolab al-ilm, une intercession démentie et une intercession affirmée. Quant à l'intercession démentie, le cheikh l'a définie ici, c'est quoi? C'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Et la preuve est la parole d'Allah dans la traduction du sens est « On est croyant des pensées de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » Sourate Al-Baqarah, verset 254. Et l'intercession affirmée, c'est celle qui est demandée à Allah. Et l'intercesseur est honoré par l'intercession. Et celui pour lequel l'intercession est demandée, le meshfour ou la, en arabe, est celui dont Allah a accepté sa parole et son action après la permission. Comme Allah a dit, selon la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Surat al-Baqarah, verset 255. Maintenant, l'explication de ce passage-là de Cheikh Abdul Bukhari, hafidahullah. الشرح والوجه الرابع دكتور من الكاتريام انجل سكيل تور دون لا دوزيام ريغل ميم سي اون افونسي دون الميت نو تيجور دون لا دوزيام ريغل. في شرح هذه القاعده قد ذكرنا ثلاثه اوجه تتعلق بالشفاعه. قال ودليل الشفاعه تقدم الكلام عن دليل القربة، الان كلام عن الشفاعه. الشفاعه ماخوذه من الشفع، والشفع ضد الوتر. Quand dans la langue arabe qu'on définit le witr, on dit min al-adad ma laysa bi shafa. C'est-à-dire en français, le witr c'est un père, et le shafa c'est père. Qala ta'ala wa shaf'i wal witr min surat al-fajr wal ma'na ay al-shaf' ja'alu al-witri shaf'a ka ja'li al-wahidi ithnayni wa thalathata arba'a hadha min haythu al-lugha alladhi mada. Amma istilahan فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه. يقول الشيخ رحمه الله puis il va rapporter le dalil, on va rapporter ça parce que c'est important dans le ma'na l'ughawi, le ma'na l'istilahi, et ici donne une définition de ce que c'est al-shafa'a dans l'istilah. L'explication, dans l'explication de cette règle, nous avons cité trois angles qui sont liés à l'intercession. Maintenant le quatrième, d'accord. Et la preuve de l'intercession, nous avons vu précédemment la preuve du rapprochement, dalil al-qurba. De quel verset? Qurba, dalil al-qurba. C'est quoi qu'il a dit dans le matin? Dans le texte. Ou dalil al-qurba? Il a dit quoi? Et c'est de quelle sourate? Donc tu es d'accord avec lui? Si tu es d'accord avec lui, tu as dit Zumar, hein, c'est ce que tu dis. Donc il a raison, on est d'accord. Maintenant, Shafa'a, on a cité quoi? 254. Notamment, et on a cité avant? On a cité un autre. Ça, voilà là. On va voir ça dans un instant, c'est juste pour que vous situiez. On a vu précédemment la preuve du rapprochement, Dalil Qurba. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? Dalil al-Shafa'a. Et maintenant nous parlons de l'intercession. L'intercession, al-Shafa'a, on parle de l'intercession et de la preuve de l'intercession. Al-Shafa'a est prise de al-Shafa'a. Maintenant il explique toujours, le ulama quand il explique un terme, il lui donne toujours deux définitions. La définition, le sens de ce terme dans la langue arabe, et le sens de ce terme ou la définition de ce terme chez, dans le jargon religieux, al-Istilah, le vocabulaire spécifique à la religion. D'accord? Donc ici, il commence par quoi? Par le ma'na al-lughawi. Comme les ulémas disent, lughatan. Ma'na lughatan, c'est quoi? Al-shafa'a est pris d'al-shafa'a. Et c'est le mot père en français, qui est le contraire d'al-witr, qui est un père. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est, par le père et l'impère. Soit le Fajr, verset 3. Et le sens d'al-shafa'a, c'est de rendre le witr, l'impère, de le rendre quoi? Shafa'a, c'est-à-dire père. Comme le fait de rendre un, deux, ou 3, de le rendre quoi 4, etc. Et cela est en termes linguistiques. Maintenant, quant à son sens dans le jargon religieux, c'est de faire l'intermédiaire pour autrui en obtenant un bien ou en repoussant un mal de lui. فالتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه. Très facile à mémoriser. Le cheikh, car il fasse miséricorde, le cheikh, rahimahullah, il dit, ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية من سورة يونس فيها في قوله تعالى ويعبدون من دون الله إلى آخر الآية إقرار منهم بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع وأنهم فقط عبدوهم أو دعوهم ليشفعوا لهم عند الله ولذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين يقول الشيخ شيوخنا العلامة السعدي الآن غير فينا المنصف قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره قال يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا هذه التي يدعونها من دون الله ويقولون قولا خاليا من البرهان هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يعبدونهم ليقربوهم من الله ويشفعوا لهم عنده وهذا قول من تلقاء أنفسهم قالوه شيخ البخاري دي قالوه من عند إيش هل عندهم حجة في هذا هل أباحه الله لهم هل بعثه الأنبياء بهذا هل بعثه الأنبياء بهذا؟ لا في شيخ غزالة قول السعدي رحمه الله قال هذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم أي اخترعوه ولهذا قال الله تعالى مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض وقد أخبركم جل وعلا بأنه ليس له شريك ولا إله معه فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء أفتخبرونه بأمر خافي عليه وعلمتموه أأنتم أعلم أم الله فهل يوجد قول أفضل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول بلا قول شيخ البخاري maintenant on traduira le tout en français ان شاء الله اذا انت عاقل تصور هذا القول فقط لتعلم ماذا بطلانه تصور يعطيك حكم هذا القول نعم ça c'est devra une règle qui quoi الحكم على الشيء فرع عن تصوره قال فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول بانه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون انتهى كلامه رحمه الله للشيخ كرا لي فاس ميزيريكورد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit et la preuve de l'intercession est la parole d'Allah dans la traduction du sens est ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et dit ceci sont nos intercesseurs auprès d'Allah c'est ce qu'elle sourate ici Younes, verset 18. Le verset est de Sourate Younes. Il y a dans la parole d'Allah, dans la traduction du sens 1, ils adorent au lieu d'Allah, jusqu'à la fin du verset, une affirmation de leur part que leur divinité ne nuise pas ni ne font profiter, et qu'ils ne les ont adorés ou les ont invoqués que pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens 1, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Sourate Mudathir, verset 48. Le shir de Nushur, le très savant Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son exégèse, Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, et ils adorent, c'est-à-dire les associateurs qui démentent le messager d'Allah, au lieu d'Allah, ce qui ne peut ni leur luire, ni leur profiter. C'est-à-dire qu'elles ne détiennent pour eux, même pas, ne fût-ce que le poids d'un atome de profit ni repousse d'eux, quoi que ce soit. Voilà donc ce qu'ils adorent au lieu d'Allah. Et ils disent une parole vide de preuve. Vide de preuves. Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'ils les adorent afin qu'ils les rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et c'est une parole venant d'eux-mêmes, l'imam Sa'di rahimahullah, il dit. Cheikh al-Bukhari, il dit, ils ont dit cela venant de quoi? Ont-ils une preuve à ce sujet? Est-ce qu'Allah leur a autorisé? Est-ce qu'il a envoyé les prophètes avec cela? Alayhi salatu wa salam? Non. Il dit, l'imam Sa'di rahimahullah, c'est une parole venant d'eux-mêmes. Et c'est une parole qu'ils ont eux-mêmes inventée. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, réfutant cette parole, hein, il a dit Mubtilan, et Abtallah, c'est comme tu dis Fannada ou Dahada, réfutant cette parole, ce dont la tradition du sens est, on dit Fannada ou Dahada. Ce dont la tradition du sens est, dit informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire qu'Allah le Très-Haut est le savant dont la science a englobé tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et il vous a certes informé qu'il n'a aucun associé et qu'il n'y a aucune divinité avec lui. Et donc vous, ô associateur, vous prétendez qu'il s'y trouve des associés à lui? L'informerez-vous d'une chose dont il n'a pas connaissance et que vous connaissez? Et vous, êtes-vous plus savant ou Allah? Y a-t-il une parole plus fausse que cette parole qui comprend le fait que ces égarés, ignorants et idiots soient plus savants que le Seigneur de l'univers, et que donc celui qui est doté de raison se suffise de réfléchir à cette parole? Pourquoi? Parce que si tu attends ça, ou si tu te présentes cette parole, tu te représentes cette parole, ou tu penses à cette parole, tu auras son jugement. C'est que c'est bâtil. Donc toi, cher al-Bukhari, dit, donc toi tu es doté de raison. Réfléchis seulement à cette parole afin que tu en connaisses quoi? Sa fausseté. Réfléchir quant à cette parole t'en donnera le jugement. Te représenter de cette parole à ta sawwur et que tu réfléchis à cette parole, tu penses à cette parole, t'en donnera le jugement. Il dit, et que donc celui qui est doté de raison se suffise de réfléchir à cette parole, c'est le même Sa'di rahimahullah qui parle, et il affirmera de manière catégorique sa fausseté et sa perversion. Allah est exalté et élevé au-dessus de ce qui lui associe. Fin de sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde. On revient à la parole de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah. إذن هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه هو أنهم عبدوه من دون الله مع اعترافهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما اتخذوهم شفعاء عند الله فدعوهم من دون الله هذا الشرك الذي وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم هذا الشرك الذي وقعوا فيه أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم ذلك بل ضرهم ولهذا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين متى تنفعهم شفاعة الشافعين إذا وحدوا وتابوا من الشرك الذي وقعوا فيه ورجعوا إلى التوحيد حينئذ تنفعهم شفاعة الشافعين البيل الشغل دي واضح الشغل دي حفظه الله تعالى et c'est donc l'association dans laquelle ils sont tombés et c'est qu'ils les ont adorés au lieu d'Allah tout en reconnaissant qu'ils ne nuisent en rien et ne font profiter en rien mais qu'ils ne les ont pris que comme intercesseurs auprès d'Allah et les ont donc invoqués et en dehors d'Allah. L'association dans laquelle ils sont tombés a annulé l'obtention de l'intercession pour eux. Je répète cette phrase. L'association dans laquelle ils sont tombés a annulé l'obtention de l'intercession pour eux. Et cela ne leur a profité en rien, mais au contraire, cela leur a nui. Et c'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit, selon la traduction du sens est, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. Surat al-Muddathir, verset 48. Il faudrait que peut-être qu'un jour on voit les différents types d'intercession, etc. Hein? On verra, Inch'Allah. Si on n'en parle pas dans ce cours, peut-être dans un autre cours, Inch'Allah. S'ils ont été sur les. Le cheikh, il pose une question. Il dit quand leur profitera l'intercession des intercesseurs? C'est quoi la réponse? Il dit s'ils ont été sur l'unicité et qu'ils se sont repentis de l'association dans laquelle ils sont tombés et qu'ils sont revenus à l'unicité. À ce moment-là, l'intercession des intercesseurs leur profitera. Est-ce clair? Cinquième angle, et je pense que ce sera peut-être le dernier pour aujourd'hui, Inch'Allah. Al-Wajh al-Khamis, qassama shirhuna shafa'ata ila qismain. Muthbata wa manfiyya. Fabada'a bil manfiyya. Lima bada'a bil manfiyya. Thumma thanna bil muthbata min babi al-takhliya wa al-tahliya. Al-takhliya wa al-tahliya, c'est un des termes que les ulama utilisent beaucoup. D'accord? Cheikh Al-Uthaymin il dit comme j'ai fait le qaida ma'roufa al-takhliya thumma al-tahliya. Les ulama disent aussi al-tasfiya wa al-tarbiya. Il dit ici min bab al-takhliya wa al-tahliya. On va essayer de rapprocher en français ce que ça veut dire inchallah. La ilaha illa Allah. Nafyun lima 'ubida min dunillah. Nafyun lima 'ubida min dunillah wa ithbatun 'ibadati lillahi wahdahu duna ma siwa. فبدأ بالمنفية ثم ثنى بالمثبتة. واضح هذا؟ أقول قسم الشيخ الشفاعة إلى قسمين، فبدأ بماذا؟ بالمنفية. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية ما هي؟ هي الشفاعة التي نفاها الله في كتابه أو نفاها رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لهذا قال الشيخ المنفية ما كانت تطلب من غير الله، ما كان يطلب من غير الله أثبته الله في كتابه أم نفاه. هذا هو السؤال الذي يطرحه الشيخ. Je vous la répète comme ça vous pouvez essayer de trouver la réponse. C'est quoi؟ ما كان يطلب من غير الله، هل أثبته الله في كتابه أم نفاه؟ En français. Ce qui est demandé en dehors d'Allah. Est-ce qu'Allah l'a affirmé dans son livre ou l'a démenti؟ نعم نعم أحسنتم نعم نفاه واضح. فهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ما كانت تطلب لمشرك أو كافر فلا يجوز لك أن تشفع لهم. واضح. لذلك أن الشفاعة كلها لله. قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، قل لله ملكا واستحقاقا، لله الشفاعة جميعا ملكا واستحقاقا، وعليه فليس لمن تطلب منه شيء منها ليس له فيها شيء أبدا، قل لله الشفاعة جميعا، وإنما تطلب والحالة هذه ممن يملكها دون كل من سواه وهو الله جل في علاه سبحانه وتعالى. Le cinquième angle, le cheikh l'islam Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il a classifié l'intercession en deux catégories, démenti et affirmé. Il a commencé par la démentie, mais il y a une raison pour ça. Les ulémas, quand ils écrivent ou qu'ils disent quelque chose, c'est pas pour rien. Ils savent ce qu'ils font, ils le font avec science. Il dit, il a commencé par la démentie. Pourquoi a-t-il commencé par la démentie? Puis il l'a fait suivre par l'affirmer. En termes de tahliya et de tahliya. Tahliya, c'est le fait de délaisser, d'abandonner, de vider. Et tahliya, le fait d'orner quelque chose, de parer quelque chose, d'enrichir quelque chose. D'accord? Et regardez, la ilaha illallah. Il y a quoi dans la ilaha illallah? Il y a un nafi et il y a ifbat. D'accord? Une négation et une affirmation. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. C'est une négation de ce qui est adoré au lieu d'Allah et une affirmation de l'adoration à Allah seul sans lui associer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il a donc commencé par la démentie puis il l'a fait suivre par l'affirmer. Est-ce clair? Je dis, c'est-à-dire Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Le Cheikh a classifié l'intercession en deux catégories et il a commencé par quoi? Par la démentie. Et il a dit, quant à l'intercession démentie, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Quelle est l'intercession démentie? C'est l'intercession qu'Allah a démentie dans son livre ou qu'a démentie son messager, alayhi salatu wassalam. Est-ce clair? Et c'est pour cela que le Cheikh a dit que l'intercession démentie, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah. Et puis il pose une question, vous y avez déjà répondu. Ce qui est demandé à autre qu'Allah, est-ce qu'Allah l'a affirmé dans son livre ou l'a démenti? Il l'a démenti. Vous comprenez ce qu'il essaie de dire le cheikh ici? Est-ce clair? Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Non, il y a un frère qui va dire, ou une sœur qui va dire, qui nous écoute, « Ah, j'ai pas compris. » Eh bien, tu vas comprendre, inshallah. Tu as les notes, tu as l'audio, tu vas écouter, tu vas réécouter, tu vas réécouter, tu vas lire, tu vas relire, tu vas faire dua, d'accord? Hein, et tu vas relire, et tu vas demander, etc. Est-ce que tu comprends, bénillah ta'ala? Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Et subhanallah, c'est ajib parce que des fois dans des umur dunya, on a un ijtihad qui est ajib. Si on ne comprend pas une mis'ala pour dunya ou qu'ils vont nous ramener un bien en dunya, on va chercher, on va se renseigner, on va se fatiguer, on va essayer de la maîtriser, de la comprendre, etc. Subhanallah. Et c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable. Ou ce qui est demandé pour un associateur ou un mécréant, car il n'était pas permis d'intercéder pour eux. Est-ce clair? Et cela car toute l'intercession appartient à Allah. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens est, dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Le Cheikh Mourbi, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Al-Shafa'a. C'est un livre, il a apporté que des chaînes de transmission authentiques sur le sujet de Shafa'a. C'était le verset qu'on a cité là, ici, c'est dans la traduction du sens, « Dit l'intercession tout entière appartient à Allah », surat Zumar, verset 44. dit l'intercession appartient à Allah en termes de possession et de droit, tout entière en termes de possession et de droit. Et donc en se basant là-dessus, celui à qui tu demandes n'en a rien. Il n'en a rien du tout. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Et donc alors que la situation est telle, tu ne la demandes qu'à celui qui la possède. Et à personne d'autre que lui. Et c'est Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, on aura fini le cours d'aujourd'hui. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.